En Corée, les sanatoriums et les maisons de repos contribuent à l'amélioration de la santé des travailleurs. Au sanatorium de Songcheon-Eonjong, dans la commune d'Eonjong de l'arrondissement de Songcheon de la province du Pyongan du Sud, et à la maison de repos d'Eonpo dans l'arrondissement de Gyeongsong de la province de Hamgyong du Nord, toutes les conditions nécessaires sont réunies par l'État pour le traitement et le repos. Alcaline, la source thermale de Songcheon utilisée depuis 600 ans, est efficace au traitement des maladies, surtout l'artériosclérose, la dermatite chronique, l'eczéma, etc. Les ouvriers, les paysans et les intellectuels sont accueillis aussi dans les maisons de repos au massif moyen pittoresque, à Haksade, à Sogam, à Songdan et ailleurs.